Deuxième partie, chapitre 1er, expédition à la baie d'Hudson. Les circonstances que les jeunes Lemoine attendaient se présentèrent enfin vers l'année 1686. Il y avait longtemps que le gouvernement voulait prendre une décision pour les pays du Nord occupés d'abord par les Français et enlevés depuis par les Anglais. Colbert avait écrit à M. Denonville, le nouveau gouverneur général, de s'en occuper activement. Ces pays commençaient au 51e de latitude et comprenaient le Labrador, la baie d'Hudson et les contrées environnantes. Ils étaient très importants par leur position au milieu de tribus nombreuses et surtout pour le commerce des fourrures, que l'on savait plus belle à mesure que l'on approchait du pôle Nord. Il y avait des années où l'on avait pu recueillir jusqu'à 800 000 pièces. C'était un revenu de plusieurs millions que l'on pouvait percevoir. Et de nos jours, malgré la diminution du gibier, on a recueilli à la baie d'Hudson, en castor, en orignaux, en renard bleu et en martre, jusqu'à 20 millions de francs par année. Le centre de ce trafic est la baie d'Hudson, vaste golfe, qui est comme une mer de 550 lieues de longueur sur 250 lieues de largeur. On croit que les Français et les Portugais avaient exploré ces côtes à partir de l'an 1500. En 1610, un navigateur anglais, Hudson, en prit possession, et vers 1660, le prince Rupert, oncle du roi Charles II, chef de l'amirauté anglaise, fonda une compagnie de la baie d'Hudson pour l'exploitation des fourrures. Des marins anglais y furent envoyés, et ils construisirent plusieurs forts pour la traite avec les sauvages. Aussitôt, les marchands de Québec établirent une société sous le nom de Compagnie du Nord, et ils réclamèrent l'appui du gouvernement. Ils alléguaient ce principe, qu'avant l'institution du prince Rupert, les Français possédaient plusieurs établissements qui avaient été livrés aux Anglais par deux renégats, Radisson et de Groseillers. Le gouverneur M. Denonville, pressé par Colbert, voulut remédier à cet état de choses. Il fit réunir à Montréal une troupe de 100 hommes, à la tête desquels il mit un des anciens officiers de Carignan, le chevalier de Troyes, qui était renommé pour son habileté. Il avait avec lui 30 soldats et 70 Canadiens. Monsieur de Catalogue commandait les soldats, et Monsieur Lenoir Roland était à la tête des Canadiens. Charles Lemoine, alors âgé de 60 ans, aurait voulu être de cette expédition, mais ses infirmités ne le lui permettaient pas. Il proposa 3 de ses fils, Sainte-Hélène, d'Iberville et Maricourt, comme volontaires, pouvant servir de guide et d'interprète. Le chevalier de Troyes demanda qu'on lui donnât le père Sylvie pour chapelain, afin de subvenir aux besoins spirituels des soldats, et pour traiter avec les sauvages, parmi lesquels il avait fait plusieurs missions. C'était un homme éminent, et qui fut du plus grand secours. Il y avait plusieurs chemins pour se rendre à la baie d'Hudson. Le premier en partant de Tadoussac et en remontant le Saguenay. De là, on arrivait au lac Saint-Jean, puis au lac Mistassini, d'où l'on suivait un affluent de la rivière Rupert qui débouchait dans la mer du Nord. Le second partait de 3 rivières, remontait le Saint-Maurice, puis trouvait plusieurs affluents qui descendaient vers la baie d'Hudson. On fut obligé de renoncer à ces 2 chemins. On ne voulait pas donner l'éveil aux Anglais, qui étaient aux environs, et l'on craignait aussi de rencontrer les Iroquois, qui venaient souvent dans ces parages. On choisit alors le chemin de l'Ottawa, à l'ouest de Montréal, qui était éloigné de tout voisinage dangereux et à l'abri de toute surprise. Le départ fut fixé au 20 mars 1686. Le dégel était à peine commencé, mais il importait d'arriver avant que les vaisseaux anglais du printemps fussent venus ravitailler les stations anglaises et enlever les pelleteries. L'expédition entendit la Sainte Messe dans l'église de Notre-Dame, qui servait au culte depuis peu. Toute la population environnait les jeunes volontaires, et on peut concevoir quels étaient les sentiments des mères, et en particulier de l'admirable Madame Lemoine, âgée alors de 46 ans, et qui voyait partir en même temps 3 de ses enfants. Les soldats étaient équipés de tout ce qui était nécessaire. Ils avaient 20 traîneaux, ils emportaient des vivres et des munitions pour plusieurs mois. Parmi eux, il y avait des charpentiers pour établir les campements, des marins pour conduire les embarcations, des canonniers, des mineurs pour saper les fortifications s'il était nécessaire, enfin des sauvages éprouvés et dévoués les accompagnaient. c'étaient des gens appartenant à la mission de la montagne et à celle de la Chine. Ils remontèrent le fleuve, purent porter leurs bagages au Sault Saint-Louis et au rapide de Sainte-Anne, puis ils suivirent le cours de l'Ottawa. Les rives étaient couvertes alors de bois sans limite. Quelques jours après, ils arrivèrent devant le fort de la Petite Nation, où il y avait une réunion de chrétiens indiens sous la direction des prêtres de la maison de l'évêque de Québec. Ils saluèrent le fort d'une salve de coups de fusil, auquel le fort répondit par un coup de canon en déployant au haut du rempart le drapeau de la France. Ils longèrent les chutes de la Chaudière, puis le lac des Chats, et ils arrivèrent en vue de l'île aux Calumets et de l'île des Allumettes. Ils étaient alors au milieu de ces îles si nombreuses qu'on les appelle les Mille Îles, comme celles que l'on trouve à Gananoque, sur le Saint-Laurent, à l'entrée du lac Ontario, et comme, elles aussi, que l'on rencontre en si grand nombre à l'extrémité ouest de l'île de Montréal. Arrivés à l'embouchure de la rivière Mattawa, au premier jour de mai, ils ne continuèrent pas dans la direction du lac Nipissing, à travers le lac Champlain et le lac Talon, comme l'avait fait Champlain et plus tard Monsieur de Talon en 1616. Ils remontèrent droit dans le nord par la rivière Mattawa jusqu'au lac Témiscamingue. C'est là, dit Monsieur de Catalogne, dans sa relation, qu'ils se firent des canaux et qu'ils les employèrent sur le lac. Ce lac a 60 lieues de longueur sur 4 de large. Les rives sont bordées des terres les plus fertiles. Sur tout ce parcours, ils rencontraient différentes populations qui, comme toutes les nations sauvages du Nord, étaient ennemies des Iroquois et des Anglais, et étaient en bon rapport avec les Français, qu'elles avaient appris à aimer par les missions infatigables des pères jésuites. Des réceptions solennelles avaient lieu. Les tribus apportaient le calumet de paix. Elles exécutaient leurs danses en suivant les bateaux, puis elles entonnaient des chants de joie qui se distinguaient surtout par cette particularité, disent les mémoires, que c'était à qui crierait le plus fort. On débarquait le soir, on tirait les chaloupes à terre. Alors les gens faisaient du feu et prenaient le repos, que l'on prolongeait parfois pendant plusieurs jours quand les fatigues le demandaient. Les frères Lemoine guidaient les miliciens dans le bois pour se procurer de nouvelles provisions par la pêche ou la chasse. Quand on fut arrivé à l'extrémité du lac Témiscamingue, on porta les canots pour trouver les affluents de la rivière Abitibi qui se dirige vers la mer du Nord. Tout ce trajet ne s'accomplissait pas sans de grandes difficultés. Souvent, l'on trouvait les cours d'eau gelés sur une grande étendue. D'autres fois, il fallait lutter contre les glaçons qui obstruaient le cours du fleuve. À mesure que l'on avançait dans le nord, les obstacles augmentaient. Les rivières étaient encore gelées sur un long parcours. Aussi, malgré la force et l'habileté des hommes, on mit à traverser cette étendue de 900 milles de longueur un temps bien plus considérable que l'on avait pu prévoir. Le trajet dura plus de 2 mois. En ce temps, le pays avait un aspect de sévérité et de grandeur qui imposait. Cette perspective austère et sauvage a disparu par suite des défrichements et de la destruction des bois. C'est ainsi que s'expriment les missionnaires. Nous avons à passer des forêts capables d'effrayer les voyageurs les plus assurés, soit par leur vaste étendue, soit par l'âpreté des chemins rudes et dangereux. Sur la terre, on ne peut marcher que sur des précipices. Sur le fleuve, on ne peut voguer qu'à travers des abîmes où l'on dispute sa vie sur une frêle écorce, entre des tourbillons capables de perdre de grands vaisseaux. À mesure que l'expédition remontait, elle pouvait contempler jusqu'aux extrémités de l'horizon ces forêts immenses qui n'étaient pas encore exploitées et qui présentaient la variété des plus beaux arbres, à l'état plusieurs fois séculaire. Ce que l'on ne trouve plus qu'en remontant à de grandes distances, on le voyait alors à proximité du Montréal et du lac Chaudière. On trouvait des vallées, des montagnes couvertes de la végétation la plus abondante et la plus extraordinaire, jusqu'à perte de vue. Et avec une continuité si suivie dans toutes les directions qu'elle faisait dire aux voyageurs du temps que le Canada n'était qu'une forêt. En même temps, la densité de cette masse de verdure était si grande, avec son enchevêtrement de branches, de plantes grimpantes et de lianes, qu'on ne voyait sur sa tête, pendant des lieues et des journées entières de marche, qu'un dôme continu d'arbres sans la moindre échappée de ciel. Depuis ce temps, l'exploitation a commencé à s'étendre, et elle a continué depuis 2 siècles avec une acuité toujours croissante, en sorte que, actuellement, elle produit chaque année 100 millions de francs de revenus. L'aspect du pays a donc pu changer. et malgré cela, à 20 lieues de Montréal et d'Ottawa, et à 10 lieues de Mattawa, on trouve encore des traces de la forêt primitive, avec ses troncs séculaires et ses proportions gigantesques. Pendant la marche, l'expédition pouvait contempler des variétés singulières. Sur certaines montagnes au côté sud, on voyait la neige disparue et les premières pousses de la végétation naissante. Et pendant ce temps-là, au côté nord, les arbres étaient revêtus encore d'une impérissable blancheur, et couverts de cristaux et de stalactites resplendissant au feu du jour. Ce n'était pas sans peine que l'on affrontait ces immensités. Tantôt il fallait traverser des berceaux de branches penchées sur la rivière, de manière à intercepter la navigation. Ensuite, lorsque l'on recourait au portage, souvent on rencontrait sur les rives des arbres brisés et couchés, que l'on ne pouvait franchir qu'en se glissant, en rampant presque, pendant des distances considérables. C'est là qu'on voyait dans toute leur réalité ces aspects étranges décrits par Parkman. Ici, des arbres renversés par la tempête servaient de digues aux flots écumants avec leurs débris monstrueux. En même temps, on pouvait contempler les profondeurs des forêts séculaires, obscures et silencieuses, comme des cavernes soutenues par les piliers de ces arbres, dont chacun est un atlas supportant un monde de feuillage et répandant une humidité continuelle à travers leurs écorces épaisses et rugueuses. Quelques arbres apparaissent pleins de jeunesse. D'autres, au contraire, sont tout décrépits et déformés par l'âge, semblables à des fantômes aux contorsions étranges. Ils sont tout repliés sur eux-mêmes, et couverts de veines et d'excroissances. D'autres, entrelacés et réunis ensemble, paraissent comme des serpents pétrifiés au milieu des embrassements d'une lutte mortelle. Les mousses apparaissent aussi au regard, étendant sur les sols pierreux un tapis verdoyant. Là, revêtant les rochers de draperies ondoyantes, plus loin transformant les débris en remparts de verdure, ou bien enveloppant les troncs brisés comme d'un filet qui les préserve d'une dernière destruction. Plus haut, on les voit se suspendre et se déployer en guirlandes et en spirales comme des formes de reptiles. Et sur eux resplendit la jeune végétation qui appuie sur des ruines les pousses vigoureuses d'une forêt naissante. Lorsqu'on arrivait aux chutes et aux rapides, on contemplait d'autres spectacles saisissants de grandeur. À l'extrémité des lacs immenses, reflétant les clartés d'un ciel étincelant, l'on voyait descendre sur des escaliers de granit les chutes d'un lac plus élevé, occupant souvent toute la ligne de l'horizon. Parfois, la chute arrivait en tournoyant autour d'immenses sommités, puis au-delà, on voyait de nouveaux lacs environnés de rochers surplombants, avec des arbres qui venaient baigner leurs branches dans les eaux profondes. Les rives étaient surchargées de plantes, de lierres, qui semblaient disposées avec l'art le plus compliqué. À d'autres endroits, l'immensité des eaux était interrompue par des rochers qui se rapprochaient comme une barrière infranchissable, dont on ne trouvait l'issue qu'après 1000 détours. Et ensuite, au-delà, on contemplait de nouvelles nappes d'eau, d'une pureté et d'un éclat sans égal. Avec toutes les difficultés que présentait le parcours de cette nature primitive, il arrivait des événements inattendus, qui arrêtait la marche et réduisait l'expédition à une inaction complète. Des brouillards, qui s'élevaient du sein des ondes, ne permettaient plus d'avancer et environnaient tout d'une obscurité profonde. D'autres fois, un changement de température amenait un dégel si complet que les chemins devenaient comme des fondrières insondables, et l'on ne pouvait porter les canots et les bagages. D'autres phénomènes propres à ces climats venaient surprendre les voyageurs. Dans la nuit arrivait une pluie abondante qui, en tombant, se changeait en pinces et recouvrait tout comme d'un cristal épais. Alors, les arbres et les buissons semblaient transformés en girandoles. Les troncs, les branches et jusqu'aux moindres brindilles étaient complètement renfermés dans un étui de glace. En outre, du haut des rochers pendaient des guirlandes et des aiguilles de cristal. Tout cela plus admirable que les effets du givre qui ne sont que passagers. C'était magnifique, c'était féerique. Les fameux palais de cristal des souverains orientaux ne sont rien comparés à ces merveilles. Mais toutes ces beautés devaient voir une fin terrible. Il y avait un moment où les arbres finissaient par céder sous des poids écrasants. Les branches commençaient à éclater et à se rompre de toutes parts avec un bruit sinistre. Les voyageurs n'osaient sortir de leur tente ni avancer, ni même lever leur regard vers ces massifs qui s'ébranlaient et s'écroulaient sur leur tête. Et enfin, quand l'œuvre de destruction était terminée, on pouvait constater l'étendue du mal. Des arbres déracinés jonchaient les chemins. D'énormes chaînes cassées en tête ou par le milieu formaient des amoncellements et des chaos au milieu desquels il semblait que l'expédition ne pourrait jamais continuer sa marche. Pendant l'expédition, on put reconnaître quel service rendait le père Sylvie. Il instruisait les sauvages, les exhortait au bien, entendait les confessions et administrait le baptême. De plus, il portait les consolations aux malades et aux découragés. Lorsque la fatigue était trop grande et qu'il fallait nécessairement s'arrêter quelques jours, les charpentiers élevaient en quelques heures une chapelle. Les nefs étaient couvertes de branches et de feuillages, et le sanctuaire décoré d'écorces de bouleau. Cet appareil avait aux yeux de ces hommes de foi autant de prix que les basiliques les plus belles, ornées de marbre et de porphyre. Le père Sylvie n'était pas seulement secourable pour le ministère religieux. Il était habile pour gagner le cœur des sauvages. Il l'admirait comme le représentant de ces héroïques pères jésuites qui depuis 50 ans parcouraient sans cesse des contrées lointaines en faisant connaître l'Évangile. Après le père Sylvie, ceux qui avaient pu rendre le plus de services étaient les frères Lemoine, qui étaient incomparables pour guider l'expédition sur les courants et pour la conduire dans les profondeurs des forêts. Ils avaient une habileté égale à celle des sauvages pour s'orienter au milieu des solitudes les plus impénétrables. Enfin, par leur connaissance des langues sauvages et leur titre de représentant des nations indiennes auprès du gouvernement, ils étaient considérés tout particulièrement. D'après les mémoires du temps et les portraits des Lemoine conservés à Paris, on peut avoir une idée de ce qu'étaient alors ces jeunes gens de 22, 24 et 26 ans. Ils étaient grands, forts et d'une habileté extraordinaire pour les exercices du corps. D'Iberville, qui par la taille dépassait ses deux frères, les surpassait aussi par la force. À cela près, ils se ressemblaient à s'y méprendre. Le teint clair, les cheveux abondants et très blonds, les traits grands mais délicats, le front large, ouvert, les yeux bleus et pénétrants, le nez aquilin, la bouche fine et bien dessinée, le menton carré, signe d'une grande fermeté. Ils semblaient bien appartenir à cette admirable race normande qui avait produit les conquérants de l'Angleterre, les champions de la Sicile et les héros des croisades. Enfin, après 2 mois de marche, on put contempler du sommet des montagnes une immensité d'eau reflétant les tons pâles d'un ciel froid mais pur. C'était la baie d'Hudson, vaste comme une mer, et s'étendant au loin jusqu'à l'horizon. Le but de tant de fatigue était atteint. Les cœurs furent remplis de joie, mais l'expression en fut contenue, de crainte, de quelque surprise. Sur l'invitation du missionnaire, tous les voyageurs se prosternèrent et firent entendre, mais à demi-voix, un tédéum d'action de grâce. Costume des trappeurs. Ce costume se composait d'un vêtement de fourrure ou de drap, qui descendait jusqu'aux genoux. Les jambes étaient préservées du froid par des bas de laine foulés qui remontaient jusqu'au-dessus du genou et étaient retenus par de fortes jarretières en peau. Ce vêtement était de différentes couleurs, suivant les localités. Les gens de Montréal étaient habillés en bleu, ceux de Trois-Rivières en blanc, ceux de Québec en rouge. Il était ainsi facile de les reconnaître. Leur chapeau était en feutre noir, à grands bords relevés par devant. Le costume était accompagné d'une ceinture en laine et d'une large cravate qui faisait plusieurs fois le tour du cou.